Étude 2 du 6 au 12 octobre, cause de division. Le verset à mémoriser se trouve dans Proverbes chapitre 9 au verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint et l'intelligence. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont eu de cesse d'appeler le peuple d'Israël à obéir aux instructions de Dieu. La désobéissance et la négligence devaient conduire à l'apostasie et à la division. L'obéissance aux lois de Dieu était conçue pour préserver le peuple des conséquences naturelles du péché et pour le sanctifier parmi les nombreuses nations étrangères. Suivre la volonté de Dieu devait amener l'harmonie au sein du peuple et fortifier leur détermination collective à résister aux incursions des pratiques païennes et occultes qui les environnaient. L'intention de Dieu était simple, que son peuple soit saint et devienne un témoin auprès des nations voisines. Le Seigneur leur avait bien dit, après les avoir délivrés d'Égypte, « Regardez, je vous ai appris des prescriptions et des règles, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays où vous entrez pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, et ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions. Ils diront « Cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. » Aucun doute là-dessus. S'ils restaient fidèles, le peuple de Dieu serait également béni et deviendrait une bénédiction pour les autres, tandis que l'infidélité entraînerait une foule de problèmes dont la division n'en était qu'un parmi d'autres.